Comodoro Rivadavia n'entend plus rien. Mais, à 1000 kilomètres de là, 20 minutes plus tard, Bahia Blanca capte un second message. « Descendons, entrons dans les nuages. » Puis ces deux mots, d'un texte obscur, apparurent dans le poste de Trelew. « Rien voir. » L'essence était épuisée, ou le pilote joue-t-il avant la panne sa dernière carte, retrouver le sol sans l'emboutir? La voix de Buenos Aires ordonne à Trelew. « Demandez-le-lui. » « On ne répond pas ?»« On ne répond pas. » Ils vont peut-être accrocher cette note qui serait un signe de vie. Si l'avion et ses feux de bord remontent parmi les étoiles, ils vont peut-être entendre chanter cette étoile. Les secondes s'écoulent. Elles s'écoulent vraiment comme du sang. Le vol dure-t-il encore? Chaque seconde emporte une chance. Chaque seconde emporte quelque chose. Cette voix de Fabien, ce rire de Fabien, ce sourire. Le silence gagne du terrain. Un silence de plus en plus lourd qui s'établit sur cet équipage comme le poids d'une mer. Alors, quelqu'un remarque. 1h40, dernière limite de l'essence. Il est impossible qu'il vole encore. Et la paix se fait. Il n'y a plus qu'à attendre le jour.